Pour ceux qui ne connaissent pas mon nom, je m'appelle Valdev Etienne et je vais vous lire 5 extraits de mon ouvrage « Cette mort qui nous fascine » qui vient de paraître aux éditions Olivetan et qui raconte l'histoire de la danse macabre et de son affinité avec la réforme. Est-ce que je parle assez fort ? Oui. Bon, c'est une lecture de 40 minutes à peu près avec des images. On a annoncé 32, c'est un peu moins parce que on aura une quinzaine. Parce que j'ai choisi d'autres passages pour la lecture qui sont un peu plus doux et qui tirent la leçon de la danse macabre mais qui sont sans images. On va avoir une moitié avec images et une autre bien. Calvinien sans images. Bon, et après, il y a un temps pour les questions, une petite dédicace avec la possibilité, bien sûr, d'acquérir un exemplaire signé par l'auteur. À la fin du XIVe siècle, la perception de la mort change et commence à s'individualiser. La mort n'est plus perçue comme un événement social, car on a observé que dans cette ancienne compréhension, elle vient souvent trop tôt et trop brutalement. À la fin du XIVe siècle, on représente dans l'art les transis. Francis de la Serra, 1362, a le visage dévoré par les asticots. La sculpture se trouve à la Sarraze en Suisse. Le transi de Guillaume de Arcigny, médecin de Charles VI, est montré en état de semi-putréfaction en 1393 à Laon. C'est à cette époque que le thème de la mort trouve dans l'art une expression toute nouvelle. Elle commence au cimetière des Innocents à Paris, sur les murs duquel un peintre, jusqu'à nos jours anonyme, propose pour la première fois une perception individualisée de la mort. L'idée lui vient de créer une œuvre dans laquelle les humains de toutes les conditions sont individuellement surpris par leur propre squelette qui énonce un discours sur la vanité des occupations humaines. Ce peintre inconnu a inventé un nouveau genre artistique et littéraire, la danse macabre. Le modèle repris par les imprimeurs de Strasbourg, on associe une image avec un poème de 4 à 8 vers, l'ancêtre de notre bande dessinée moderne. Elle commence à parcourir les églises et les imprimeries d'Europe. On la copie en 1439 à l'église dominicaine de Bâle, en 1470 à l'église de l'abbé bénédictine de Saint-Robert à la Chaise-Dieu, en 1460 dans la Marienkirche de Lübeck, en 1485 dans la Marienkirche de Berlin, en 1558 au couvent des Dominicains de Constance, en 1600 à la chapelle Sainte-Anne de Füssen, Bavière. On est à l'époque de la peste noire, qui fait 25 millions de morts. 25 millions de morts en 25 ans, un tiers de la population européenne. Et cette épidémie a une logique particulière. Elle radicalise les comportements humains. Elle montre aux humains que vouloir vivre intensément n'a rien d'indécent, mais que c'est au contraire le médiocre, le compromis et le tiède qui sont indécents. Et c'est avec cette logique que la peste a évoqué pour les contemporains de ce fléau le livre de l'Apocalypse dans la Bible. elle a la même logique radicale. Le Christ revient sur terre pour prononcer le jugement dernier. Le jugement est contenu dans un livre fermé de 7 sceaux. À mesure que l'agneau du Seigneur ouvre les sceaux, les fléaux se répandent sur terre et déciment l'humanité. 4 cavaliers symbolisent la guerre, la famine, la mort et la peste. Voilà les 4e. Ils ont souvent été représentés munis d'une épée, d'une balance, d'une faux et d'un arc avec ses flèches. Et le Christ prononce les paroles de jugement, je cite, « Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Fin de citation. Apocalypse 3, 15 à 16. Voilà le principe radical que la peste a évoqué chez ceux qui ont éteint les contemporains. Dans le livre de l'Apocalypse, le jugement dernier est prononcé par le Christ, que les auteurs contemporains appellent aussi le grand juge. C'est le cas à Paris, place des Innocents. La peinture de la danse macabre de Paris est créée à l'endroit où il y a eu les plus grandes pertes en vie humaine quelques années avant. On est en 1350. À Paris, la peste tue 40 000 personnes en 2 mois. Le charnier se trouve place des Innocents, sur l'actuel emplacement du Forum des Halles. Le nombre de morts est si important qu'un jour les murs du charnier s'effondrent et que les ossements tombent dans l'atelier du boulanger voisin. La danse macabre est peinte sur les murs du charnier du cimetière des Innocents. Elle est la première danse macabre connue. On ignore jusqu'à aujourd'hui qui était son commanditaire. La peinture montre un squelette grimaçant qui entraîne dans sa ronde les humains de toutes les conditions sociales. Elle s'inspire de la philosophie platonicienne et veut exprimer que tout homme est tôt ou tard confronté à sa propre mort. On passe à l'époque de la Réforme, à laquelle le peintre Hans Holbein réalise une danse macabre. Holbein réalise une série de 41 gravures pour l'éditeur Hassler à Bâle, la danse des morts. En 1526, les gravures ne sont pas encore commentées par un texte. Témoignage de la crise religieuse. L'éditeur ne sait pas encore quel sera le choix définitif de la ville de Bâle et préfère un livre qui ne contraigne pas trop le lecteur d'adopter une position luthérienne. En 1536, Holbein ajoute le texte des quatrains en allemand, en français et en anglais. On est international à l'époque. On augmente les gravures au nombre de 56. Chaque double page montre sur la page gauche le texte en 3 langues et sur la page droite la gravure. Dans cette danse macabre, la mort n'est plus présentée comme une allégorie qui transmettrait un message moralisateur, mais comme une fatalité absolue, on montre l'individu dans sa lutte quotidienne contre la mort. La première personne invitée à la danse est le pape, qu'on a identifié à Léon X. Holbein tourne en dérision le trafic des indulgences. Face à la mort, le pape demande une indulgence, à savoir une remise. Les répliques ne sont pas très catholiques. La mort dit au pape « Saint-Père, c'est à vous à commencer la danse. Je veux que le premier on vous voit avancer. Ni tiare, ni croix, ni le droit d'indulgence de ce pas décisif ne peuvent dispenser. Le pape répond. Pontife indépendant et fier de ma puissance, régnant au nom de Dieu, je gouvernais sans lui. Je vendais à haut prix des lettres de dispense. Ah, que ne peut la mort m'en vendre une aujourd'hui. Depuis 1491, la Suisse est indépendante du Saint-Empire romain. L'indépendance permet au peintre de donner à ses personnages les traits du couple impérial autrichien. Le visage de l'empereur évoque celui de Maximilien. La mort joue de la flûte. Le globe impérial, un signe du pouvoir impérial, est tombé par terre. Le pouvoir séculier s'incline devant la puissance de la mort. Et la mort dit à l'empereur, « Vous avez trop longtemps, Seigneur à barbe grise, ajourné votre repentir. Allons, disposez-vous, il est plus remise, et mon fifre Discord vous invite à partir. » L'empereur répond, « Je pouvais en héros agrandir mon empire, protéger et venger l'humble à qui l'on fait tort. Mais au comble arrivé, tout mon pouvoir expire. Suis-je encore empereur? Je ne suis plus qu'un mort. » À l'impératrice, la mort adresse les mots suivants. Elle a d'ailleurs une belle tête autrichienne. Vos courtisans ont fui. Nul d'entre eux, ce me semble, ne s'approche de vous pour vous offrir la main. Acceptez donc la mienne et puis dansons ensemble. Mon bal a commencé, vous le mettez en train. L'impératrice répond, j'ai passé tous mes jours au sein de la mollesse. Femme d'un empereur, j'ai vécu pour jouir. Puis, la mort à son bal m'invite, elle me presse. Je sens à son aspect tout mon cœur défaillir. On attribue à Napoléon l'aphorisme suivant. Les médecins ont plus de vie humaine sur la conscience que les généraux. Le jeune Holbein partage apparemment ce jugement quand il donne à son médecin un air de vautour. La mort dit au médecin, des morts dont vos talents ont peuplé mon empire, mon squelette mouvant vous offre tous les traits. Leur corps du corps humain vous a pris les secrets. Quelques jours sur le vôtre, on pourra s'en instruire. Le médecin répond, les deux sexes chez moi venaient avec mystère m'apporter certains noms qui m'apprenaient leur mal. Qui voudra voir la mienne et me tirer d'affaire? Hélas, il est trop tard, voici l'instant fatal. À travers son squelette porte-parole, Holbein dénonce les abus de pouvoir de son époque, les entreprises égoïstes et de court terme, et dénonce aussi le bling-bling, on dira aujourd'hui. Le dialogue avec la dame noble se déroule de la manière suivante. La mort à la dame. Et que me fait à moi ton rang et tes aïeux, tes traits nobles et fins, l'or de tes blonds cheveux, tout te finit pour toi. Regarde cette glace, de ton mi-moi charmant reconnais-tu la grâce? La dame regarde dans la glace et fait un sursaut d'horreur. Elle répond, ô terreur, qu'ai-je vu, découverte cruelle, signe horrible et certain qui me prit mon sort? En vain, à ce miroir autrefois si fidèle, mes traits montrent la vie, il réfléchit la mort. Dans son dialogue avec le marchand, le squelette se révèle porte-parole des intermondialistes de l'époque. Il lui dit, croyez-vous à prix d'or que vous m'engagerez à vous vendre un seul jour un quart d'heure de vie? Reprenez ce métal, en vain vous me l'offrez, vous êtes le seul bien qui peut me faire envie. Le marchand répond, fier mon savoir-faire et rempli d'allégresse, je comptais chaque jour l'or de mon coffre-fort. Et je disais, que craindre avec tant de richesses? Mais c'est compter bien mal que de compter sans la mort. Justification par la foi et abstraction. À partir de 1517, avec la diffusion des thèses de Martin Luther, l'idée fait son chemin que l'Église ne veut pas énoncer une morale absolue qui serait adaptée à toutes les situations de la vie. Et le prêtre se voit donc déchu du droit de mettre l'individu sous pression morale afin de contraindre à obtenir son salut. Le salut de l'âme, seul le sujet peut en avoir la certitude. Et cette assurance vaut seulement pour lui-même. Comment les peintres Durer, Cranach, Holbein et Valdongrin qui exercent leur talent à cette époque intègrent-ils dans leur œuvre les idées de Luther? La question est liée à deux autres. Avant que je continue, si c'est trop fort la fumée, vous pouvez, si vous voulez, vous rapprocher aussi. Ça va? Les gouttes de pluie. Hein. Ouais, ça va. Oh, merci. Alors, les deux questions. Comment Luther est-il certain de faire le bon choix à la diète de Worms quand on lui demande de rétracter sous peine de mort? Deuxième question. Quel rôle joue ici la découverte de la justification par la foi? Qu'est-ce qu'elle implique sur le plan théologique et philosophique? Pour comprendre la psychologie du réformateur, il faut, par une digression, remonter à la conversion de saint Paul, qui s'appelait initialement Saul de Tarse. Ce pharisien était au départ un farouche ennemi des chrétiens. Saul de Tarse les considérait comme des déviants. Ils seront à Damas afin de localiser quelques sectaires et de les amener liés à Jérusalem. Il se met en route avec d'autres activistes. L'épisode de sa rencontre avec le Christ est rapporté par le chapitre 9 du livre des Actes des Apôtres. S'approchant de Damas, Saul est surpris par une lumière venant du ciel. Qui resplendit comme un éclair autour de lui. Il tombe aveuglé et il ne discerne personne. Il entendant une voix qui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Saul veut savoir qui est en face de lui. La voix répond « Je suis Jésus, celui que toi tu persécutes. » Mais lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce qu'il faut que tu fasses. Les compagnons de Saul entendent la voix. Saul ne discerne toujours rien. Les compagnons l'aident à marcher jusqu'à Damas, où Saul jeûne pendant 3 jours. À Damas, un disciple du nom d'Ananias est appelé par le Seigneur dans une vision. Le Seigneur lui dit d'aller chercher dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse qui est présentement en prière. Ananias, d'abord sceptique, répond au Seigneur que Saul a fait beaucoup de maux à ses disciples, mais le Seigneur lui explique que Saul est son instrument, choisi pour porter son nom devant les païens, devant les rois et devant les enfants d'Israël. Rassuré, Ananias s'en va jusqu'à la maison de Judas, il impose les mains à Saul et lui dit « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu dans le chemin par où tu venais m'a envoyé afin que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Et aussitôt, il tombe des yeux de Saul comme des écailles. Et à l'instant, il recouvre la vue, il se lève et est baptisé. Saul recommence à manger et à boire, il rejoint les disciples qui sont à Damas et il commence à prêcher que le Christ est le Fils de Dieu. Martin Luther, pendant ses études et ses premières années d'enseignement à l'université de Wittenberg, est tourmenté par la question de son salut. Il a étudié et enseigné la Bible, et pourtant il ne cesse de nourrir un doute sur son salut. Car il a observé que les moines et les théologiens, en dépit de leur ambition chrétienne, restent des humains, poussés par le désir et par la passion. Pire encore, les intellectuels comme lui, malgré toutes leurs connaissances, sont des orgueilleux et des hautains, convaincus d'avoir toujours raison, et en cela ils se contredisent et se disputent sur chaque question théologique. Ils maîtrisent l'art de l'exégèse, connaissent les pères de l'Église de A à Z, mais cela ne les protège pas de la débauche. Le péché persiste malgré toute l'érudition et l'art de la rhétorique qui font l'excellence dans son ordre religieux. Martin Luther se reconnaît pleinement dans ce groupe de pécheurs, malgré son aspiration au salut. Il fait un usage abondant des sacrements, de la confession et de la pénitence, mais plus il se sensibilise à la question du péché, plus il se rend compte qu'il est impossible de confesser tous les péchés comme l'Église l'exige. Il vit dans la peur de mourir sans absolution. Dans son grand désarroi, il tombe un jour sur cette phrase de Romains 1,17, je cite, « Car c'est dans cet évangile que la justice de Dieu est révélée de foi en foi, selon qu'il est écrit « Le juste vivra par la foi ». Fin de citation. Un passage plutôt obscur. Luther n'en perçoit pas immédiatement le sens. Il refuse pourtant de tourner la page biblique et passe des nuits entières à relire ce passage, à le méditer. Les interprétations officielles des pères de l'Église ne lui donnent pas de réponse satisfaisante. Luther trouve plutôt son inspiration et son réconfort dans les écrits des mystiques comme Maître Eckhart. Les mystiques ont une autre source de connaissance que l'étude des pères, c'est l'introspection. Loin d'être intellectuelle et construite, leur lecture est plutôt intuitive et se nourrit de la spiritualité de tous les jours. Luther adopte la manière dont les mystiques s'approchent de la Bible, en interrogeant les textes sur leur fond ancien et originel. Par cette démarche de retour aux sources, il accède au paradoxe de saint Paul. Paul a obtenu le salut gratuitement, de manière imméritée, comme un cadeau du Christ. Cela veut dire que Dieu s'est abaissé et qu'il s'est sacrifié pour offrir à l'homme son salut. Une nuit, c'est la révélation. Dans une vision, Luther se tient à côté de saint Paul au moment de sa conversion. Et il entend le Christ dire les mots « Pourquoi me persécutes-tu ? » Et cette fois-ci, le Christ s'adresse à Luther directement. C'est Luther qui persécute le Christ avec ses doutes infinis au sujet du salut et de sa rédemption. Le passage dans Romains lui est désormais clair. Dieu offre son salut gratuitement. Le Christ qui a crié sur la croix « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» est devenu le frère des humains. Dans la croix du Christ, Dieu rejette l'orgueil et le péché des humains. La grâce est offerte à l'homme non pas dans le sacrement, mais à la croix qui fonctionne comme un traité de paix entre Dieu et les hommes. Celui qui saisit ce salut par la foi et qui se l'approprie peut s'offrir à Dieu pleinement et dans la confiance. C'est en regardant la croix que l'homme trouve la certitude de son salut. Cette découverte de la justification par la foi est le fondement de la théologie luthérienne. La doctrine va rayonner dans les domaines de la philosophie et de l'art, et l'on pourra observer qu'elle sera un facteur important pour la transformation thématique de la danse macabre. La réforme pose aux artistes une question à la fois théologique et esthétique. Comment représenter en image l'apparition du Christ, la paix et le salut, sans les faire apparaître comme une récompense divine des bonnes œuvres? Les actes des apôtres représentent un Dieu aimant qui a donné son propre Fils pour le salut de l'humanité et qui ne tient pas compte de nos fautes passées pour nous accorder généreusement son salut. Cette affirmation théologique se traduit par une plus grande abstraction de la doctrine eschatologique. Ce ne sont plus des œuvres concrètes et mesurables qui déterminent le salut de l'homme, mais la foi seule. La doctrine luthérienne de la justification par la foi est moins évidente à représenter sur le plan visuel. Elle demande un accès par la parole et par l'empathie, non par la représentation sous forme d'imitation en image ou en parabole. On ne s'étonne alors pas d'observer dans les années qui suivent 1517 que les artistes suppriment ou atténuent dans l'art macabre des allusions à l'Apocalypse, que leurs toiles montrent un seul couple de morts vivants et que les artistes commencent maintenant à intégrer leur propre portrait dans la représentation, afin de traduire le sentiment que ce que l'on y voit n'est que la perception subjective de l'artiste qui vit dans la foi. Cela nous occupe aujourd'hui, toujours. Je passe au XXe siècle, aux années 1980. On retrouve les mêmes principes de l'imagination dialectique dans les romans ou dans les films d'épouvante. Donc, il faut introduire une explication. Imagination dialectique est un terme de Jérôme Cotin, professeur de théologie pratique à l'Université de Strasbourg, et veut dire rupture ontologique entre la matière et le divin. Et ça s'oppose à l'imagination analogique dans laquelle il y a un lien de continuité entre la matière et le divin. Donc on est ici dans la rupture ontologique entre la matière et le divin, et cela réapparaît dans le roman d'horreur des années 80, notamment les productions américaines Stephen King. Leur message est d'appeler l'individu à sa responsabilité. Dans les nombreuses productions de ce genre particulier, on reconnaît trois principes de la théologie calvinienne. L'invisibilité de Dieu, la chute comme brisure esthétique et la réconciliation du vrai et du beau. Jean Calvin dit, je cite, « Vrai est qu'en certains lieux ce qui lui est propre est exprimé, et par ce moyen sa face nous est présentée au vif pour la contempler clairement. » Institution 1, 10, 3. Comme Dieu est omnipuissant, la figure du mal, Satan, ne peut que dépendre de lui. Elle ne peut donc pas se voir accorder le privilège d'être représentée. Inférieure à Dieu, en puissance, elle doit logiquement être aussi invisible que Dieu. Dans la logique calvinienne, reconnaître à Dieu une supériorité sur Satan implique de ne pas non plus représenter Satan. Certains films d'épouvante américains suivent fidèlement ce principe. Dans The Shining de Stanley Kubrick, 1979-80, les deux pouvoirs bénéfiques et maléfiques restent invisibles. Mais leur invisibilité ne concerne que leur être, non leur faire. Kubrick nous présente en revanche certains lieux dans lesquels leur nature s'exprime. Le pouvoir maléfique s'exprime aussi à travers la conduite des personnages. Le personnage principal se donne ainsi l'allure d'un auteur à succès, mais ne commence jamais vraiment à travailler à son livre. En revanche, le pouvoir bénéfique, qui est un don de Dieu, s'exprime dans le pouvoir de la femme de l'écrivain et de leur fils commun Dany de communiquer avec les morts, et notamment l'esprit des indigènes qui habitaient ce lieu avant la construction de l'hôtel. L'orgueil de l'auteur est une parfaite illustration de la chute dans la description calvinienne comme brisure esthétique, à savoir l'homme pécheur ne sait pas voir. Dans The Shining, le personnage du père est incapable de se soumettre à la discipline de l'écriture littéraire, qui n'a rien de glorieux, mais qui demande une concentration silencieuse dans le recueillement et dans la sèse. Le héros maléfique de Kubrick est aveugle à la beauté de la culture indienne, à la différence de sa femme qui, beaucoup plus artiste que lui, s'en inspire dans sa manière de s'habiller. D'autres productions nous présentent le pouvoir maléfique sous forme de monstre ou d'écorché, mais elles restent fidèles au principe de l'imagination dialectique, dans le sens où elles ne créent pas l'illusion d'une matière divinisée. Dans le roman « Ça » de Stephen King, 1985, le pouvoir maléfique peut prendre la forme d'un monstre ressemblant à un clown, le clown Pennywise, qui présente une tête blanche comme la chaux et couverte de cheveux rouges vifs. Mais l'auteur n'a pas l'intention de nous faire prendre le monstre pour une réalité. Le monstre apparaît au moment où les personnages du roman agissent par désir, par jalousie ou par convoitise. La scène la plus célèbre du roman est celle où le monstre apparaît à un garçon de 10 ans dans une bouche d'égout sur le bord d'une chaussée en lui offrant un ballon. C'est au moment où le garçon cède à la tentation qu'il devient la victime du monstre. Dans d'autres scènes, la rencontre du monstre est précédée d'une dispute violente entre la victime et un proche ou un ami, poussé par un orgueil qui tourne au pathologique. Dans le premier épisode de la série Freddy Krueger, Nightmare on Elm Street, 1979, la protagoniste est une adolescente dont les parents sont séparés. La fille se révolte contre le nouveau conjoint de sa mère avant d'être hantée par l'écorché Freddy Krueger. Dans la logique du film d'horreur, le héros doit prendre conscience de sa mauvaise conduite et de son aveuglement. La lutte contre le monstre traduit une lutte contre un pouvoir maléfique qui réside en nous-mêmes. Dans le roman Ça de Stephen King, les personnes hantées par le monstre se liguent pour combattre le mal dans leurs propres veines. Elles amorcent ainsi un processus de purification. La grâce de Dieu leur est accordée à travers un défi que chacun des personnages se dit pour une fois prêt à relever. Par exemple, le fils, qui a toujours peur de descendre dans la cave pendant les coupures d'électricité, se maîtrise et trouve le courage d'aller chercher une boîte dans la cave à la demande de son père. Les héros du roman commencent à voir différemment leur rôle dans la société, à devenir plus sociables, plus courageux, à devenir combatif au lieu d'être passif. La logique du roman traduit le principe calvinien de la réconciliation du vrai et du beau par un travail d'apprentissage. Les personnages apprennent à voir le second degré de la réalité au lieu de s'arrêter au premier degré. En cela, le macabre du roman d'horreur comporte une dimension sociale et traduit une qualité artistique tout à fait respectable. Comme les écorchés dans le livre d'enfants de Brecht, le monstre dans le roman de Stephen King fait comprendre aux personnages qu'ils ne doivent pas ériger en idole leurs parents, leurs voisins ou leurs professeurs, ni les diaboliser, mais qu'ils ont des capacités individuelles pour prendre leur vie en main et défendre dignement leurs intérêts. Si le monstre agresse le jeune, ce n'est pas pour l'anéantir, mais pour lui rappeler sa responsabilité et sa dignité individuelle. En effet, quand le lecteur saisit ce mécanisme, il est invité à parcourir lui-même le même processus de purification que le personnage du roman. Cinquième chapitre, on arrive à l'année 2012. En novembre 2012, je me suis rendu à l'église évangélique allemande située dans le 9e arrondissement de Paris pour interroger les jeunes adultes entre 18 et 40 ans sur leur idée de l'au-delà et sur la culture des obsèques dans leur famille. L'interview se déroulait pendant une soirée qui accueillait des jeunes gens au pair, tous en relation plus ou moins étroite avec l'église évangélique allemande rue Blanche. Leurs réponses n'ont rien perdu de leur actualité. Jule, 20 ans. Il y a peu de temps, mon grand-père paternel est mort. Pour faire le deuil, ma grand-mère allume tous les jours une bougie dans sa maison. Je partage beaucoup de temps avec elle et on mange ensemble. Quand il m'arrive que je remplisse trop mon assiette, ma grand-mère me rappelle une expression que mon grand-père disait souvent. Elle a eu les yeux plus grands que le ventre. La mort n'est pour moi pas d'adieu définitif. Souvent, quand j'ai particulièrement bien travaillé, je pense « Maintenant, grand-père serait fier de moi. Ça lui ferait plaisir. » Je vais souvent avec ma grand-mère sur sa tombe. Alexander, 36. Dans ma famille, trois de mes grands-parents sont morts. À l'anniversaire de la mort du défunt, nous allons au cimetière et nous posons une couronne sur la tombe. À chacune de ces occasions, des histoires nous reviennent. De belles expériences que j'ai eues avec mes grands-parents ou des événements comiques. Nous allions souvent au parc municipal. Et une fois en hiver, je voulais à tout prix marcher sur le lac gelé. Mais la glace n'a pas tenu et je me suis enfoncé jusqu'au cou dans l'eau glacée. Ma grand-mère m'a ensuite rattrapé du bord. À chaque fois que nous allons dans ce parc avec ma famille, nous nous racontons cette histoire. Marie, 19. Nous aussi, nous allons le jour anniversaire de la mort du défunt au cimetière et nous plantons de nouvelles fleurs dans la sépulture. Ce sont des petites choses qui, dans la vie quotidienne, évoquent le souvenir des défunts et qui, soudainement, les rendent à nouveau vivants. Par exemple, ma grand-mère avait l'habitude de mettre son argent liquide dans les bas qu'elle portait. Et puis, lorsqu'au supermarché, à la caisse, elle sortait un billet de son bas, la dame à la caisse était quelque peu étonnée. Grand-mère disait toujours « C'est ma tirelire !» Mais l'entretien de la tombe n'est pas si simple, parce que le cimetière se trouve près de l'Aire, en Allemagne du Nord, alors que mes parents habitent en Bavière. Souvent, nous faisons appel à une bonne amie pour entretenir la tombe. Alexandra, 18. Pour nous, le jour des morts est un anniversaire aussi important que Noël. Mon grand-père maternel restait très présent parce que ma grand-mère est toujours vivante. Quand nous mangeons chez elle et qu'il y a des galettes de pommes de terre, elle en fait toujours trop. Et nous lui disons « Tu as cuisiné pour grand-père aussi. » Lisa, 19. Dans notre famille, on parle ouvertement de la mort. Je suis fille de pasteur, et mes parents ont déjà précisément prévu comment ils veulent être inhumés. Dans notre famille, nous n'envisageons pas d'autre forme d'enterrement que dans un cercueil. Je suis très contente que mes parents aient déjà donné leur directive pour leur sépulture, car moi, je ne pourrais pas le décider à leur place. Je crois qu'après la mort, la vie continue d'une manière ou d'une autre. Enfant, je me suis toujours représenté le ciel comme ma chambre. Il y avait un immense matelas au milieu et tous ceux que j'aime dormaient là avec moi. Stéphane, 40. Chez nous, la mort est un thème présent et nous en parlons sans fausse pudeur. Lorsque j'avais 2 semaines, ma sœur, qui avait 5 ans à l'époque, est morte. Cette expérience nous amène à ne pas éluder ce sujet. Lorsque mon père est mort, il était très important pour moi, pendant les funérailles, de porter son cercueil avec les autres. Cela avait une signification symbolique. Si dans ce monde, nous parcourons notre dernier chemin ensemble, là-bas, dans l'autre monde, nous aurons à nouveau des chemins communs. Cela est une certitude pour moi. Ma vie avec Dieu commence ici et continuera là-bas. Ma mère est aussi très décontractée au sujet de la mort. Sur la pierre du tombeau familial, elle a déjà fait graver son nom. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques ou des pensées à partager? Une remarque tout d'abord, je trouve ce travail passionnant et rigoureux, rarement comme ça qu'on en parle. Et la question c'est, qu'est-ce qui vous a amené à étudier cette thématique? Une expérience personnelle. Ça a commencé en 2008 à Wörstadt, en Allemagne, Rheinhessen, c'est la Rhénanie-Hesse. J'étais chez un ami invité à manger, je suis arrivé en retard comme toujours, train en retard, c'était vers minuit. On a mangé et il m'a raconté l'histoire de la danse macabre. Il m'a raconté ses histoires, comment elle a fait 40 000 morts en 2 mois à Paris en 1350. La mort était omniprésente et elle a ravagé toutes les grandes villes d'Europe. Elle a dévasté l'Europe. Et aussi cette histoire du boulanger à côté du charnier et donc une époque en désordre, des morts partout et les gens qui sont dictés par l'instinct, il n'y a plus d'ordre dans la ville. Et j'ai observé cette nuit-là, moi qui est d'une nature extrêmement nerveuse, ce soir-là, je suis calme quand il me raconte ça. Et je retrouve ma sérénité et une confiance en moi quand on parle de cette époque-là, de la catastrophe et de la mort omniprésente. Et j'ai voulu savoir pourquoi. En 2014, je suis journaliste, auteur. Mon rédacteur de Evangelische Zeitung, un journal protestant, m'appelle. Faites-nous un article sur les cimetières. Un article très, je dirais, très, très stérile. Donc simplement, écrivez combien coûte la concession d'un terrain, la prolongation du terrain, la transhumation, parce que les gens ont besoin de savoir ça. Là, encore une fois, j'ai fait ce travail, j'ai dit... Jamais tu as été calme comme aujourd'hui. Alors, tu as toujours peur d'être en retard ou de travailler trop lentement ou de perdre ton temps ou de... Tu te mets en doute, mais là tu es calme, tu as confiance. Et tranquillement, je regardais donc tous les règlements de cimetière qu'il fallait étudier pour faire cet article. Encore une fois, qu'est-ce que c'est? J'ai appelé mon éditeur. J'ai dit, je veux écrire un livre sur la danse macabre. J'ai des images, je vous les envoie. Il m'appelle et dit, dites-nous, quel est le lien avec notre époque? Est-ce que la réforme est née de ça? Et étudiez ça. Et quand j'ai regardé les images, les visuels, J'ai compris pourquoi. Parce qu'il y a un problème avec la mort dans notre société occidentale, c'est que la mort et la vie sont perçues dans notre société occidentale comme des entités adversaires. Et là, j'ai compris, voilà la nervosité. Voilà le problème. Voilà pourquoi on commence à courir, à faire tout en même temps, à ne plus soigner les relations, à être dans une logique de prestation, de vouloir prouver sa valeur, on n'est plus au présent. J'ai travaillé, inspiré de Maître Eckhart, avec l'introspection. J'ai dit, s'il y a une connaissance, laisse de côté les journaux et Internet et tout ça, parce que tu ne trouves plus rien, ça te rend dingue. Il faut que tu cherches, tu trouves la solution dans toi ou nulle part. Mon expérience, c'est devant l'horizon de la mort, je retrouve mon souffle. Et cela, beaucoup plus facilement, légèrement, que devant l'horizon de la vie sociale. Et j'arrive à mettre les événements de ma vie dans un ordre, de structurer ma pensée, d'organiser ma journée, et cela beaucoup plus légèrement que devant la vie sociale. Et je crois que c'est parce que quand je vis dans la conscience de la mort, je vis dans la conscience de notre fragilité humaine, de notre imperfection, et je commence dans mon activité à accepter ma fragilité, ma nature, la maladie, la débauche, à accepter l'erreur, à accepter que je suis petit, que je suis laide, que je suis farouche, que je ne suis pas toujours social, et que je suis dans tout cela aimé par Dieu. Et quand j'accepte ça, je peux agir, je peux me lever. Donc du coup, je me suis dit, parle de la mort, et dis-le ouvertement devant le public. La mort et la vie sont deux principes qui sont imbriqués l'un dans l'autre. Comme la maladie et la santé, ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Comme l'expérimentation et le progrès. Comme l'erreur et l'apprentissage. Et je dis, on ne peut pas contourner la question de la mort si on veut efficacement travailler les questions sociales et la question de l'organisation de la vie. Est-ce que ça répond? Bah, vous avez dit beaucoup plus que ce que je voyais, mais c'est très très bien. Je veux dire, on a toujours, pour avancer un peu plus, j'ai l'impression que dans notre société occidentale, en France et en Allemagne, on a l'idée que quand vous parlez de la mort, c'est vous parce que vous voulez vous préparer à la mort et mettez-vous dans un coin, vous voulez partir. Mais non, je dis au contraire, ce n'est pas partir. Parler de la mort, c'est pas partir, c'est arriver. Et moi, mon intérêt, c'est qu'aujourd'hui, l'Europe fonctionne et la société fonctionne. Pour cela, il faut que je parle de la mort. Et donc, ce qui est à première vue un contraste ou quelque chose de bizarre n'est pas bizarre quand on l'étudie à fond. Autre chose que j'entends souvent, où les gens ont l'impression, quand on parle de la mort, il faut forcément parler de religion. Est-ce que ça respecte la laïcité? Ah oui, bien sûr. C'est même la condition pour que nous préservons en France la laïcité. Parce que laïcité veut dire séparation des églises et de l'État. Et laïcité veut dire on a des communautés religieuses qui sont là, séparées de l'État, parce que les humains sont différents et leur manière de percevoir la mort, le salut, de vivre avec la débauche est différente et elle ne peut pas être autrement parce que j'apprends de mes parents et je reproduis ce que font mes parents. Et je suis obligé parce que j'ai une vie devant moi, il faut que j'ai des questions pratiques à travailler. Et donc, nous sommes différents. Donc, on ne peut pas se mettre d'accord en société sur ces questions-là. Il faut accorder un espace où on le fait comme on a appris, et il faut un autre espace qui est privé et un autre espace public où on se met d'accord sur les questions sociales de manière que ça puisse s'accorder avec ce que, dans mon intimité, avec la religion, je suis convaincu de vivre. Et ça peut fonctionner. La seule chose qui est à faire, c'est que il faut parler de la différence et nommer la différence pour dire we agree that we don't agree. On est d'accord que nous sommes d'accord que nous ne sommes pas d'accord. Et maintenant, on peut commencer à faire la société. Je ne sais pas si c'est possible dans une union, mais au moins, on peut faire société. J'avais une autre question plus historique. Oui. Vous n'avez pas pu dire tout, évidemment, ce que vous avez écrit dans votre livre, mais il y avait une question sur la part, enfin, dans la critique catholique à l'endroit de Luther, déjà au XVIIIe siècle, même peut-être avant. L'un des reproches qui lui a été fait, et à partir de son expérience aussi d'entrer au couvent, c'était d'être fasciné justement complètement par la mort et d'être... Alors dans la critique, ça a donné très morbide, etc. Pardon ? Oui. Et est-ce que cette partie-là, parce que vous avez montré la façon dont l'approche de la mort a différé après, mais est-ce que cette partie-là était... vous avez étudié cet aspect-là dans la... Ce reproche fait à Luther. Quelle part la mort a pu jouer dans sa réflexion théologique. Il y a une citation que je trouve très belle, elle n'est pas très connue. Elle a été publiée par les Paroles protestantes il y a quelques années, où il dit il est très contradictoire quand il parle de la mort, Luther. Il dit. Quand je meurs, je parviens plus rapidement à la vie. Mm-hmm. Nous, les chrétiens, nous devons nous exercer dans la foi de mépriser la mort, de ne voir dans la mort qu'un sommeil profond, profond et doux, et de voir dans la mort rien d'autre que le saint et le paradis de notre Seigneur Jésus-Christ. Luther est paradoxal. Luther a un côté très, très sensible et très émotionnel. Luther peut être très doux dans certains écrits et ironique et sarcastique dans d'autres. Notamment, là, aujourd'hui, on édite les Tischreden. Il a fait des propos qui sont même vulgaires. Il peut être très vulgaire aussi. Et cette vulgarité, ce Luther vulgaire, je crois que... je crois que ce n'est pas un hasard que l'année de Luther, il y a un certain Hans Baldung Green qui a justement fait une toile très très provocante. Ça se trouve aujourd'hui à Bâle, en Suisse, Kunstmuseum, donc avec la mort et la fille... qui entre dans une relation dans tous les sens du terme. Et je ne sais pas si Luther a connu cette toile, mais il n'aurait pas dit non. Oui, il était contradictoire. Je crois qu'il a aussi un peu idéalisé la mort et qu'il a embrassé plus que l'Église catholique a voulu voir. Oui, je crois que le reproche est là, mais il ne faut pas idéaliser Luther et être réaliste à l'égard de ce personnage. Luther pouvait avoir des points de vue des fois réactionnaires. Oui, non, mais ça c'est d'accord. Mais la question c'était de savoir si ça a été un élément obsessionnel dans dans sa psychologie qui aurait influencé sa théologie. À mon avis, oui. À mon avis, oui. Comme le salut. Le salut et la mort, je crois. Je crois. Et je crois que l'affront avec l'Église catholique est venu aussi, pas en dernier, à cause de ça. Parce que l'Église catholique sépare beaucoup plus cette question d'omniprésence de la mort dans l'esprit et du salut. À cause de la théologie des bonnes œuvres. Ouais. Et là, il y a un Luther qui dit, bon, tu peux lui rendre service à ton voisin, mais ton voisin peut être mort demain. Et quand je me rends compte que mon voisin peut être mort demain, bon, alors à ce moment-là, je peux devenir ironique. Il y a un côté ironique. Ça a repris... Il y a une ironie dans la théologie protestante. Il y a un autre théologien qui radicalise encore plus dans le sens, c'est Søren Kierkegaard. Søren Kierkegaard, qui est devenu célèbre avec sa thèse sur l'ironie, et donc c'est sa thèse de doctorat, et à l'époque on était obligé de faire un résumé de dix phrases de la thèse. Et la dixième phrase, c'est « Comme la philosophie commence avec le doute, la vie, si elle veut être appelée digne de l'humain, commence par l'ironie. » Et ça s'accorde tout à fait avec l'histoire d'Adam et Ève, parce que dans toute cette histoire qui se passe avec le serpent qui offre un fruit et Dieu l'a interdit, et le serpent dit oui, mais il a dit, est-ce qu'il a vraiment dit vous allez mourir? Mais non, vous avez la vie éternelle, et elle le prend. Donc c'est profondément, je vois, pour moi c'est un passage profondément ironique. Bon, il faut que j'apprenne l'hébreu pour vraiment vérifier, mais c'est un passage ironique, cette histoire. Et elle s'appelle Eva, la vie. Elle s'appelle Eva après. Après, oui. Oui, oui après, peut-être. Quand elle a naissance. Oui. Ah, c'est peut-être... C'est plus tard. C'est... Oui. On ne va pas faire l'exégèse de ce texte maintenant. Oui. Mais suite à ça aussi. Pour l'instant, elle s'appelle Isha. C'est Isha, Isha. Mais voilà, fin. Merci. D'autres questions? Oui, par rapport à la grande différenciation, à un moment en tout cas, Calvin par exemple, la mort, enfin en tout cas le défunt, par rapport à tout ce qui se faisait dans l'Église catholique et toute la pompe et tout ça, eh bien on met les gens dans une tombe sans nom, comme ils viennent, un à côté de l'autre, comme ça. Et donc, c'est une manière d'évacuer la mort. Alors, vous avez conscience de cette position de Calvin ? Mais il faudrait voir, ça je ne l'ai pas vérifié, pour tout théologien actuellement, quand je dis à quel âge a-t-il écrit ça ? Parce que c'est jamais pour l'éternité, il peut changer. Luther a changé plusieurs fois aussi. Donc, mais en tout cas, à un moment donné, et alors à la réforme, dans certains cimetières où normalement on achetait, où on faisait, eh bien, c'est un petit peu comme là où on met les cendres, il y en a d'autres qui se mettent dessus, etc. Vous, très vite, vous ne voyez plus où est votre affaire. Est-ce que c'est Jean Calvin qui a exigé ça ? Bah, il semblerait. Il semblerait. Oui, il faudrait que je... Il y a eu une lecture chez Calvin assez sinistre, si j'ose dire, de laisser les morts enterrer les morts. Par exemple. Une lecture au premier degré. Ah ben oui, Calvin. Oui, oui. Et il s'agit d'absolument... Alors je veux bien croire que c'est pas réaction. C'est un manque de foi que de... Oui. C'est d'ailleurs pour ça que très longtemps, les églises réformées, on n'accueillait pas les corps. Oui, à mon avis, l'essentiel, pour moi... Quand je dis on éloigne les morts, c'est plus la distance entre la vie, entre les maisons des vivants et le cimetière. C'est beaucoup plus ça. Si une plaque est anonyme, oui, si elle est anonyme et celui qui... Enfin, si une personne dans son testament dit à ses proches, je veux être enterré ici, ou par exemple dans une forêt, et on ne met pas de plaque, mais tu peux venir me voir et on parle, il n'y a pas de plaque, je ne parle pas d'éloignement de mort, il n'y a pas d'indication. Je crois que ça dépend vraiment de la manière de l'esthétique du tombeau, comme elle est faite par la maçonnerie, pratiquement. Pour moi, je crois, mon point de vue personnel, c'est plutôt la distance par rapport au cimetière, dans laquelle se traduit la volonté d'éloigner le sujet. En revanche, sur le plan historique, je crois que le principe que j'ai expliqué au début, que après la Révolution, il était interdit d'enterrer dans les villes, cela avait des raisons hygiéniques d'abord, hygiéniques. Mais on pouvait aussi le faire parce que là, il y a une tradition calviniste qui a déjà eu des expériences avec ça. Peut-être comme modèle ou comme. En tout cas, à Strasbourg, avec la réforme, les cimetières sont sortis de la ville au moment de la réforme. Mm. Donc, quand c'est venu après, à Strasbourg, c'était déjà fait. Quand la loi royale est venue, Strasbourg avait déjà réglé la question. La question, c'est. Oui. Mais parce qu'il y avait tout ce qu'il y avait autour, c'est-à-dire il y avait l'église et tout l'espace sacré autour, et il y avait par exemple à Saint-Thomas, avoir 7 places, c'était plus cher, enfin c'est comme à l'opéra, c'est-à-dire vous bénéficiez, et évidemment si vous étiez tout près de l'autel, là, vous étiez déjà au ciel. Bon, on a tendance dans le calvinisme à ne pas trop visualiser la mort, à être plus à des représentations beaucoup plus abstraites. Les calvinistes, par exemple, n'ont pas, enfin, dans les régions calvinistes, on n'a pas eu une énorme production d'art macabre. Ouais. Il y a la vanité, mais ça, la vanité est différente parce que c'est seulement un crâne. Et un crâne, on peut l'étudier en tant que. Oui, un crâne est exposé dans un cabinet d'anatomie, par exemple. Alors que le squelette qui danse, c'est une véritable œuvre artistique et quelque chose qui relève de notre imagination. Et qui n'existe pas dans ce monde. Dans la calviniste, ce n'est pas admis. Oui, mais est-ce qu'on ne peut pas dire aussi que du coup, le calvinisme a donné la marque qu'on a retrouvée d'ailleurs dans ce que vous avez dit sur les films des années 80, sur une certaine intériorisation de la notion du mal, qui était du côté catholique quand même beaucoup plus extérieur. D'ailleurs, c'est très intéressant. Beaucoup plus extérieur, oui, exactement. C'est très intéressant sur les représentations que vous avez données. C'était d'ailleurs, vous l'avez dit au tout début, mais c'était vraiment frappant la façon dont le squelette qui s'adressait, la mort qui venait chercher la personne, lui ressemblait en partie, même si elle était macabre, mais lui ressemblait en partie la taille du marchand par rapport à la taille du squelette, enfin la bourgeoise avec il y avait les cheveux sur le squelette aussi, etc. Il y avait, c'est du carnaval. C'est un bouffon, oui. Ouais, et cette idée petit à petit que c'est coexistant à la personne, quoi. La mort est aussi. Finit par être pas seulement extérieure, elle est dans une familiarité, on va dire. Le livre m'a beaucoup aidé à voir clair dans l'histoire des idées. Mm-hmm. Parce qu'on voit ici que Calvin, on le retrouve exactement chez Stanley Kubrick, qui refuse de montrer le monstre. Il n'y a jamais chez Kubrick de monstre. C'est profondément calviniste. Et en même temps, nous avons une autre tradition avec un squelette qui danse, et il y a des alexandrins, on dirait du Racine, et du carnaval. Et ça c'est la même catégorie que le Mexique, par exemple, où une fois par an, on fabrique des crânes en sucre et on les mange. Donc, il y a quelque chose de sarcastique et d'ironique. Ça, on retrouve un peu chez Luther. En fait, Luther était un peu entre les deux, mais je dirais beaucoup plus de la tradition catholique dans ce cas-là. Et dans cette lignée-là, on a aussi Kierkegaard. Kierkegaard qui lit Shakespeare et qui cite Shakespeare à tous les endroits et qui dit de l'ironie, je la trouve beaucoup plus chez Aristophane que il est dit que chez le Christ. Et La question n'est pas de se décider pour une tradition. Non, heureusement, on n'est plus contraint. On a tous les visions. De se décider. Enfin, moi, je quand je suis devant une responsabilité sociale, l'univers de Stephen King avec le monstre qui est une émanation de notre pouvoir maléfique m'aide à prendre la responsabilité. Mais à chaque fois que j'ai besoin de prendre de la distance par rapport à la société, parce qu'elle me demande quelque chose que je ne peux pas lui fournir, parce qu'il y a trop de gens qui demandent trop de choses différentes, à ce moment-là, je regarde mon Holbein et je dis, bon, tiens, le squelette, mais qu'est-ce que tu t'en fiches de la société? Je crois que nous avons, c'est vraiment comme l'inspiration et l'expiration, ce sont des besoins différents et qui rendent notre vie intéressante et qui lui donnent un peu de couleur. D'autres questions, sinon je vais... Juste une question concernant la dernière partie. Oui. L'interview que vous avez réalisée dans la paroisse du 9e, là, au-delà des citations que vous nous avez livrées, est-ce que ça a abouti à un travail de type sociologique ou quelque chose? Dans la paroisse de... Rue Blanche. L'interview. L'interview, je l'ai fait pour Sonntagsblatt Bayern. C'est un journal protestant. Ouais. C'est le journal protestant de l'Église protestante de Bavière. Donc c'était ça le seul but de votre. Non, mais quelle analyse? C'est mon métier. Mais il y a une analyse sociologique. Dans le livre, vous avez tiré une analyse sociologique des remarques? Oui, un petit peu. Je constate que dans la génération des personnes entre 18 et 40, il y a un besoin de parler de la mort. Et plus que dans les générations de leurs parents, ou un peu plus que chez les parents et les grands-parents. Ce que j'observe, c'est que, pour faire un diagramme, dans la génération de guerre, c'est le sujet est présent et on en parle. C'est mon expérience. La génération qui est née en 47-48, tabouisée complètement. La génération qui est née à partir de 75 recommence à parler. Et la prochaine qui est née les années 90, je crois encore plus avec ce qui se passe. Parce qu'on est entouré de la mort, nous vivons dans une époque de guerre, mais il n'y a plus de front. La guerre est partout, elle peut arriver à tout moment. Demain, le président peut être mort, moi je peux être mort, mon voisin peut être mort, le menuisier qui habite à côté de chez moi peut être mort, donc n'importe qui. Et la question qui se pose actuellement, aussi après les événements de l'année dernière, est-ce que tout en défendant la laïcité, je peux m'intéresser aux personnes qui étaient auteurs, c'est-à-dire qui étaient violentes, et dire est-ce qu'il faut rejeter ce qu'ils font complètement, ou est-ce qu'il faut dire non à la violence, mais dire le problème, leur manière de... Il y a au fond quand même un problème, il faut étudier la question pourquoi ils font ça, pourquoi il y a la violence, et est-ce qu'il y a là une critique. C'est-à-dire séparer la violence de la critique sociale qui est motivation, et dire la question sociale qui est motivation peut être justifiée, et les gens peuvent avoir des bonnes raisons pour critiquer la société occidentale qui est toujours une société de consommation, et de plaisir à court terme. J'ai été professeur à Garges-lès-Gonesse. J'ai travaillé avec beaucoup de personnes qui sont issues du milieu de l'immigration. Certains flirtaient avec le terrorisme. Je les connaissais et on a discuté. Et on a dit, je sépare la question, je dis non à la violence. Mais qu'il y a que la société occidentale mérite d'être critiquée, oui. Et si quelqu'un a grandi dans une famille où on a mangé quelque chose qui dans la société occidentale est jeté à la poubelle, et on s'aperçoit d'un extrême décalage du niveau de vie et de la qualité de vie, et qu'on devait se contenter de peu de choses, et que dans notre société on vit dans, même pas dans le luxe, parce que le luxe est justifié, mais dans le gaspillage. Je peux comprendre que quelqu'un qui a eu une expérience de violence, qu'il est contraint d'agir comme ça. Je crois que le dialogue entre les humains dans leurs différences commence au moment où je dis, je peux comprendre que ceux qui sont, vous qui êtes violents, qui mettent des bombes et qui employez des armes, je peux vous comprendre. Je ne le fais pas, mais je peux vous comprendre. Merci. Je vous remercie.